naissance, par pure bienséance, je n'ai plus confiance en ma jeune vaillance. Pourquoi cette arrogance de la si belle Hortense, très chauve de naissance, me suit par bienséance?